La Dame du Kellen, souvenir d'artiste, par Henri Lafontaine. Après les immenses succès de Dalila et du roman d'un jeune homme pauvre, de notre regretté et inoubliable Octave Feuillet, le théâtre du Vaudeville m'accordait un congé. J'en profitais pour donner des représentations avec le concours de ma bonne et chère camarade Aimée Desclée. Comme moi, elle avait quitté le gymnase un peu découragée de n'avoir pu y prendre la place qu'elle rêvait et que le sort lui réservait pour sa fin de carrière. Avant de se rendre en Italie, dans la troupe Ménadier où elle était engagée, nous allions tous deux utiliser nos loisirs à Angers, Nantes, etc. Notre répertoire se composait de 4 pièces, Dalila, Le fils de famille, Diane de Lys et le roman d'un jeune homme pauvre. Nos très fructueuses représentations terminées, Desclée prit la route de Turin, et moi, ayant obtenu de mon directeur une prolongation de quelques jours, je me donnais le luxe de faire un tour en pays breton. C'est là que je vis la Dame du Kellen. C'est là qu'une vieille et brave paysanne m'apprit son histoire. Ce souvenir, ou plutôt cette légende, me revenant en mémoire, j'essaie de l'écrire aussi simplement qu'elle me fut jadis racontée. En 1821, il y avait en plein Finistère un village d'un accès difficile. Une haute falaise l'enserrait d'un côté, tandis qu'une ceinture de rochers le défendait de l'autre. 333 habitants, cultivateurs et pêcheurs formaient sa population, vivant oubliés sur ce coin de terre qu'ils aimaient passionnément à cause du blé qu'ils donnaient et de l'excellent poisson que la mer généreuse leur prodiguait. Par-ci, par-là, quelques pierres druidiques assez bien conservées, puis la roche au fée, menhir de 3 mètres de haut, appelé le Kellen, autour duquel les vieux et les jeunes du village se rassemblaient chaque mois, à la pleine lune, rendre une sorte de culte à la fée qui, selon les vieux us, pouvait prolonger la vie, donner aux garçons l'amour des filles, aux filles l'amour des garçons. Leur brave recteur, l'abbé Mabon, avait fait l'impossible pour déraciner ce reste d'idolâtrie. Il en avait démontré l'absurdité, l'évangile en main, mais il s'était heurté contre l'entêtement breton. Plus il défendait d'aller à la roche aux fées, plus on y courait. C'était le chagrin de sa vie, à ce pauvre curé. Que de ferventes prières adressées au ciel, que de jeûnes il s'était imposé pour racheter les fautes des âmes confiées à sa garde. Le bon Dieu n'avait pas l'air de l'entendre. Il semblait même se débarrasser de tout ce qui se passait sur ce coin de terre. Et les années s'enfilaient au bout les unes des autres, sans amener la moindre amélioration. Mais, fort des paroles de l'Écriture, « Frappez, on vous ouvrira, demandez, et l'on vous donnera. » Ils frappaient à tour de bras le recteur, ils demandaient à grands cris. Étant breton, lui non plus ne lâchait pas facilement prise. Le bon Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tous les saints du paradis en étaient assourdis, lorsque la Vierge Marie, touchée de tant de constance, demanda à son divin Jésus la permission de venir en aide à ce pauvre curé. Et voici ce qu'il advint. Un jour, l'abbé Mahon, seul en son logis, sa vieille servante Brigitte, étant allée passer une semaine auprès de sa sœur malade, voulut profiter de son absence pour transplanter dans son jardin un tilleul que lui offrait depuis longtemps un de ses paroissiens. Mais Brigitte, en sa qualité de vieille fille, était tellement routinière et ennemie de tout changement qu'il n'avait jamais osé accepter. L'arbre était fort. Il fallait creuser un trou d'un mètre, dans lequel on rapporterait de la terre au goût de l'arbre qui, trouvant nourriture à son gré, se dépêcherait de prendre racine et paierait le bon curé de sa peine en ombrageant son jardin et en lui donnant d'excellentes tisanes, remplaçant avec avantage le thé dont il faisait un fréquent usage. L'utile et l'agréable se trouvant réunis, il faudrait bien qu'à son retour Brigitte en prît son parti. Il creusait son trou. « Et va donc la pioche, et marche donc la pelle !» Lorsqu'arrivé, à une certaine profondeur, il rencontra une forte résistance. « Allons bon, une pierre. Quel ennui. Ça allait si bien. Pourvu que je puisse la retirer tout seul. » « Oui, elle finit là. Elle a une drôle de forme. Qu'est-ce que c'est que ça ?»« On dirait une statuette. » »« Mais oui, c'en est une. Eh bien, j'ai dû la ranger avec ma pioche. » Et déblayant avec ses mains, il retira une vierge tenant son enfant Jésus, le tout mesurant 60 centimètres de hauteur. Il plongea la statuette dans un baquet pour la bien laver. il put alors la contempler à son aise. C'était une merveille. Jamais le granit n'avait été mieux taillé et ciselé. Seul un grand artiste avait pu donner à la reine des cieux cette pureté de ligne, cette grâce divine, cette beauté céleste. Il n'avait rien de comparable dans son église. Aussi allait-il la mettre à la place d'honneur. Intacte, malgré ses furieux coups de pioche, cela tenait du miracle. Tout joyeux, il emporta sa trouvaille dans sa chambre, la plaça au-dessus de son prie-dieu, et revint bien vite achever son trou, ou plutôt le fouiller, espérant y trouver encore quelque chose. Mais il en fut pour sa peine. Le soir venu, sa besogne achevée, il soupa. Puis, se sentant fatigué, il monta dans sa chambre. La lune se levait, radieuse. « Ah !» pensa le recteur, « les gars vont aller à la réchauffer. C'est triste de voir des chrétiens à donner à de pareilles superstitions. C'est ma faute. Je n'ai pas su les convaincre. Je ne manque pas de foi, mais d'éloquence. Inspirez-moi, Seigneur, je ne puis rien sans vous. » Et s'approchant du prie-dieu, il s'agenouilla devant la merveilleuse statuette qu'il ne pouvait se lasser d'admirer et s'écria « Ô Marie, étoile de la mer, protectrice de notre chère Bretagne, intercédez pour moi !» Et dévotement, il récita le chapelet. Après quoi, succombant à sa fatigue, il se jeta sur son lit sans avoir la force de se dévêtir, les membres moulus, l'esprit enfiévré, cherchant la provenance de cette statuette qui ne portait ni date ni nom d'auteur. Son enfouissement venait-il de la Révolution ou de la démolition d'un couvent de moines s'élevant au XVIIe siècle sur l'emplacement de l'église et du presbytère? À force de chercher sans rien trouver, le corps finit par s'endormir profondément, tandis que l'imagination, continuant à chevaucher, fit faire à l'abbé Mahon le songe que voici. Il était dans son église, en train de creuser une niche, bien qu'il n'eût jamais touché un ciseau, pour y placer la Vierge merveilleuse, ayant toutes les peines du monde à faire mordre son outil dans la pierre. Il désespérait de sa tâche lorsqu'il s'entendit appeler. Se retournant, il vit un homme de haute taille, vêtu d'une longue robe brune. Une corde lui saignait les reins. Un chapelet pendait à sa ceinture. Sa cagoule, en lui cachant le visage, assourdissait sa voix, qui semblait venir de très loin. Cet homme, ce moine ou ce fantôme, lui dit « Tu n'arriveras pas plus à creuser cette pierre que tu n'es arrivé à convaincre tes paroissiens. Laisse le ciseau, tu besognes inutilement, et ton œuvre n'est pas là. » Et il parlait avec une telle autorité que le recteur, ébahi, ne put que balbutier. « Qui êtes-vous ? » « L'auteur de la statuette, » répondit l'étrange moine. « J'ai consacré 3 années de ma vie à ce travail. Avant de l'entreprendre, j'ai prié et jeûné pendant 6 mois. Puis, ayant trouvé le granit le plus pur, j'ai commencé. La première année, j'ai fait l'ébauche. La seconde, j'ai sculpté. La troisième, j'ai modelé et poli. L'œuvre achevée, je me suis cru un grand artiste, un homme supérieur aux autres hommes, et j'ai entrepris de gigantesques travaux, oubliant que la créature ne peut produire utilement que si Dieu l'aide. C'est dans cet état que mon âme a quitté son enveloppe terrestre, pour se rendre non, comme le croyaient mes frères, au séjour des bienheureux, mais celui des expiations. Car tout se paye en cette vie, et tout s'expie dans l'autre. « Êtes-vous damné ? » demanda le prêtre, tremblant. « Non, puisque je puis venir à toi. Je suis une âme en peine, travaillant à l'amélioration. En quoi consiste votre peine ? À savoir le but que l'humanité doit atteindre. Et à voir les hommes s'en écarter sans cesse, guidés par les passions qui les font se ruer les uns contre les autres, ravageant, détruisant quelques jours, quelques heures, quelquefois par un trait de plume, ce que leur devancier avait mis des siècles à édifier. C'est dans une de ces tourmentes que notre monastère a été détruit de fond en comble. Cette statuette seule fut épargnée, parce qu'elle est œuvre de foi. Prends-la et va la placer dans la niche creusée de ma main, au milieu du menhir qui fait ta désolation. Ce que Dieu n'a pas permis à mon orgueil d'achever, ton humilité l'accomplira. Désormais, tes gars trouveront dans ce lieu refuge et consolation. La fée païenne s'évanouira comme un songe devant l'image de la mère du Sauveur. Devant celle qui veille et protège, pouvant tout obtenir et tout donner, car elle a tout reçu. Fais donc ce qu'elle désire, fais-le dans le secret de ton cœur, sois au Kélène à la pointe du jour. Je ne puis seul accomplir ce que vous m'ordonnez. Il faut que j'emmène un maçon pour sceller la statuette. Autrement, on l'enlèvera. Inutile. La pierre entrera dans la pierre, et nulle main humaine ne pourra l'en faire sortir. Fais le possible, prêtre. La Providence fera l'impossible. C'est la foi qui sauve. » Et marchant sans bruit, le moine gagna la porte de l'église qui se referma derrière lui avec un tel fracas que le recteur se réveilla en sursaut, très surpris de se trouver dans sa chambre et sur son lit. « C'est un rêve. Mais quel étrange rêve !» Ses regards tombèrent sur la statuette que la lune inondait de sa blanche lumière. « Mais ça, ce n'est pas le rêve, c'est bien la réalité !» s'écria l'abbé en sautant en bas de son lit. « la voilà bien la dame du Kellen. Mon Dieu, auriez-vous visité dans son sommeil votre infime serviteur? Ce que le moine a commandé, dois-je le faire ?» Le même bruit qu'il avait réveillé se renouvela. Le curé tressauta, puis, se rendant compte, il ouvrit la fenêtre pour assujettir son volet, qui, secoué par le vent, battait violemment le mur. 3 heures sonnèrent à l'église. On était dans les premiers jours de mars. La bise soufflait dur, apportant les âcres senteurs de la mer qui déferlaient sur les galets de la grève. L'ébullition de son cerveau un peu calmée par le grand air, le recteur voulut analyser son rêve. « Songe !» disait sa raison. « Vision !» criait son imagination. Tenaillé entre ces deux définitions, l'abbé s'en remit aux mains de Dieu. « Seigneur, vous qui lisez dans les âmes, voyez le trouble de la mienne. Je vais obéir à l'ordre que je crois venu de vous. Si la Vierge trouve place dans le menhir, je les laisserai. Il y aura miracle. Autrement, je la rapporterai dans l'église, dont elle sera le plus bel ornement. Et j'aurai rêvé, voilà tout. » Rasséréné par cette résolution, il alluma sa lanterne, roula la statuette dans son manteau, la chargea sur son épaule, prit son chapeau et sortit du presbytère pour se rendre à la Rochauffée. Il traversa le village endormi. Seul un chien de garde donna de la voix, puis tout rentra dans le silence. Il hâtait le pas, le recteur, bien que la statuette fût lourde. Le vent courait comme un fou dans les branches des arbres, les faisait craquer et gémir. Le prêtre tendait l'oreille, croyant reconnaître la voix de son rêve. Cette vision le hantait tellement que parfois il avait la sensation très nette que le moine marchait à son côté, et son cœur battait à rompre sa poitrine. Le jour pointait lorsque le Kellen se dressa devant lui, entouré de pierres druidiques, affectant un ordre symétrique très marqué. Sur ce plateau, on avait une vue de mer admirable. Ah oui, les gars étaient venus, et en nombre. Le sol piétiné, les feux allumés pour rendre la fée favorable, attestaient leur folle idolâtrie. « Mon Dieu !» murmura le malheureux curé. « Ils ne sont pas méchants, ils rêvent tout éveillés, pardonnez-leur. » Et posant à terre sa statuette, il fit le tour du menhir. Aucune excavation ne s'offrit à sa vue. « Allons, » pensa-t-il, « moi aussi j'ai rêvé. » Mais c'est en dormant. Tout attristé, il s'assit sur une pierre pour reprendre haleine. Après quoi, il fit de nouveau, et pour l'acquis de sa conscience, le tour du Kellen. Bien sûr, hélas, de ne pas trouver ce qu'il cherchait, lorsque ses yeux s'arrêtèrent sur une plante sauvage qui croissait sur la pierre nue. Comment pouvait-elle vivre là? Où prenait-elle sa nourriture? La plante se trouvant à portée de sa main, il l'arracha et put constater la présence d'un creux, rempli de sable apporté par le vent, et formant si bien corps avec le granit que sans la plante, il n'aurait pu le soupçonner, tant il était identique à la pierre. Avec quelle fièvre il se mit à déblayer ce trou qui allait s'allongeant et s'élargissant sous le travail de ses mains, devenu, par la force de sa volonté, aussi dur que les raclettes. Par moments, il murmurait « je rêve, je vais me réveiller. » Mais non, c'est bien le jour qui se lève, radieux. C'est bien l'air de la mer qui me fouette le visage, et ce sable qui se détache de mes doigts. Oui, oui, je suis éveillé, et la voilà bien la niche creusée par le moine. Je ne peux plus douter maintenant. » Alors, prenant la statuette, il la présenta à l'orifice, elle y passa parfaitement. « Mais elle en sortira de même, » pensa le recteur. « C'est ce que je disais dans mon rêve. Il faut qu'elle soit scellée. J'aurais dû me munir du nécessaire et revenir la nuit prochaine. Je n'ai que le temps de rentrer bien vite si je ne veux pas te rencontrer dans ces parages. » Et il prit la statuette à deux mains pour la retirer, mais il rencontra une résistance à laquelle il ne s'attendait pas. Impossible de la faire bouger, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il prit sa lanterne pour se rendre compte de l'obstacle et resta saisi en voyant que c'était une aiguille de granit taillée à même dans la voussure de la niche qui la retenait. L'abbé avait couché la statuette pour la faire entrer. Une fois dans la niche, il l'avait doucement redressée et l'aiguille avait pénétré sans qu'il s'en doutât dans la cavité de la haute couronne de la Vierge. Les paroles du moine lui revenant en mémoire. « La pierre entrera dans la pierre et nulle main humaine ne pourra l'en faire sortir. » Achevèrent de bouleverser le prêtre qui, tombant à genoux, fondit en larmes en criant « Marie, Jésus !» Il ne trouvait que ça, et c'était éloquent, tant cela partait d'un cœur fervent qui se donnait tout entier. De retour, il chassa la journée en action de grâce, à genoux, sur une dalle de l'église, oubliant de boire et de manger, le corps n'ayant besoin de rien, tant l'âme était satisfaite. La nuit d'après, les gars revenus à leur pèlerinage druidique en poussèrent des hélas et rentrèrent au village en criant « Miracle !» Le dimanche, après la messe, l'abbé Mahon, suivi de tous ses paroissiens, s'en alla bénir et consacrer ce lieu si longtemps voué à la superstition. Depuis, la dame du Quélen a tant sauvé de marins, tant rendu d'enfants à leur mère, tant donné de longs jours à ceux qui l'intercèdent, que le parfum de ses grâces et miséricordes s'est répandu sur toute la Bretagne. Aujourd'hui, une chapelle élégante aux murs couverts d'ex-voto abrite la Vierge miraculeuse. À ses pieds repose dans la paix du Seigneur l'abbé Mahon, mort en odeur de sainteté, le 15 août 1856. Ainsi s'achève La Dame du Quélen, souvenir d'artiste, par Henri Lafontaine.